Le propriétaire du restaurant Subway de Delbault-Mistassini, M. Luc Bélanger, et toute son équipe profitent de l'occasion pour souhaiter à sa distinguée clientèle un très joyeux Noël et une bonne année. Et le remercie de leur encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents. Ce sont les souhaits du restaurant Subway situé au 1801 à Delbault-Mistassini au numéro de téléphone 418-276-6848. On est de retour à Dan. Direction du club de golf de Chibougamau, Chaparay. Son personnel et moi-même, Michel Lallemand, le directeur général, sommes heureux de vous transmettre nos meilleurs vœux pour la période des fêtes, que la prochaine saison soit remplie de bonheur et de joie, et à tous les amateurs de golf de notre secteur, de même qu'à tous ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la plus heureuse période des fêtes. Travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 418-679-4178. Danny Veilleux, le plus récent bulletin d'information de sport local et régional. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant de ce qui s'est passé sur la Haute-Côte-Nord. Ça fait le tour pas mal du Québec. Le match qui opposait le MGR Express de Jonquière à l'équipe de la Haute-Côte-Nord dans la Ligue du Lac-au-Fleuve a été arrêté à 13 minutes de la troisième période dû à une bagarre entre les joueurs du MGR et la foule qui était présente à Forestville. Donc, ce qui a fait en sorte, évidemment, que les joueurs du MGR ont décidé de quitter la glace en milieu de troisième période. Rappelons que la Haute-Côte-Nord menait 7-0 dans la partie. Et les Saint-Dicracieux sont menés à la démission hier de Gino Gagnon, qui était l'instructeur-chef du MGR. Gino Gagnon et le directeur et son adjoint, plutôt Jean-Philippe Boivin, ont remis leur démission. Gino Gagnon explique que les incidents qui se sont passés en fin de semaine sont contre ses valeurs et ne veulent pas nuire à sa réputation. Ligue nationale de hockey, samedi, le Lightning de Tampa Bay a battu l'Avalanche du Colorado 6-5. Samuel Girard de Roberval a été blanchi, a joué 16 minutes 32 et a terminé le match à moins 3. Du côté des Saguenay de Chicoutimi, défaite de 4-2 contre les Olympiques de Gatineau et défaite des Saguenay 7-3 contre les Cataractes de Shawinigan. Kevin Klima a été le meilleur joueur de l'équipe avec une production de 1 but, 1 passe. Il y a les Huskies de Rouyn-Noranda qui ont gagné 7-4 contre les Remparts de Québec et ont gagné 4-2 contre les Foreurs de Val-d'Or. Les Marquis de Jonquière se sont inclinés 5-0 sur le cool de Saint-Georges-de-Beauce et ont remporté une belle victoire de 8-5 sur la Sierra de Telford. James Desmarais a marqué 3 buts et a amassé 2 passes, 2 buts, 2 passes chaque pour Gabriel Paquin-Brudon et Alexandre Quenel. Ligue junior régionale, les Épervilles Normandins ont défait les Marquis de Jonquière 4-2. Deux filets pour Vincent Boivin et les Épervilles ont vaincu les Aiglons d'Alma 6-4. Ligue midget régionale, les Castors de Dolbeau ont joué 3 matchs au cours du week-end. La troupe de Romain William a perdu 5-1 contre les Marquis de Jonquière. Dans cette rencontre, Vincent Lavoie était le seul marqueur de l'équipe. Samedi, les Castors ont divisé le programme double contre les Vikings de Baie-Comeau. Et d'abord, ils ont gagné 7-1 sur les Vikings. Dans le match, notons un trick du chapeau de Donovan Dion dans la victoire. Et dans le premier match de ce programme double, les Castors ont perdu contre le Vikings 6-3. Henri Prévost a marqué le seul but de la rencontre. Fiche de 500 pour les ambassadeurs de Chicoutimi, les ambassadeurs qui ont gagné 4-2 sur les Saguenay de Chicoutimi. Oui, David Gagnon a été le meilleur joueur de la rencontre. Et dans le premier match, défaite de 3-1 des ambassadeurs, Xavier Saint-Gelais a compté le seul but de la partie. Le Marcos Pop de Saint-Félicien a gagné 4-1 sur le National de la Baie, toujours dans la Ligue midget régionale. Dans le match, Jean-Daniel Beaupré a marqué un but, une passe. Maintenant, du côté de la Ligue Bantam régionale, les Rapides de Beaumont-Mistassini ont perdu 5-3 contre Massouillache et les Rapides ont défait les Vikings de Baie-Comeau. Les Hurricanes de Massouillache, tant qu'à eux, ont perdu par Blanchange 3-0 contre ces mêmes Vikings. Et les ambassadeurs de Chicoutimi étaient en fin de semaine à Sept-Îles. Ils ont joué 3 matchs, ils ont gagné 4-2 sur les Basques. Ils ont vaincu les Basques 7-5 et ont perdu 6-2, toujours contre Sept-Îles. Après la pause, on vous parle des championnats canadiens de patinage de vitesse sur courte piste junior qui a eu en fin de semaine et Michel Laplante voient d'un bon œil l'arrivée d'une équipe de Ligue Empire à Ville-Saguenay. Monsieur Robin Mouliane, directeur général du groupe BR Metal, ainsi que le personnel du groupe BR Metal et ses quatre divisions, Mobilier Public, BR Industrie, Aluco, BR Peinture Industrielle, désire souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Le groupe BR Metal est un employeur important dans le milieu, puisqu'il génère presque 40 emplois et ne cesse de grandir. Le groupe BR Metal est situé au 353 Gustave Dessureau, au numéro de téléphone 418-276-5888. Ici Stéphanie Ouellette. En cette période de réjouissance, toute l'équipe de Savard Perron Ouellette Notaire tient à souhaiter à sa fidèle clientèle un joyeux temps des fêtes et une heureuse année. Nous profitons de ce moment pour vous remercier de la confiance que vous nous accordez année après année dans des moments marquants de votre vie. Au cours de la nouvelle année, les notaires Cathy Savard, Jonathan Perron et moi-même Stéphanie Ouellette se feront un plaisir de vous accueillir dans leur tout nouveau bureau situé dans les condos de Place du Marché Wahlberg. Joyeuses fêtes à tous! Le son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortin du 555 Deakin Secteur Mississini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortin font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortin vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuets Fortin au numéro de téléphone 276-86-11. C'était en fin de semaine le championnat canadien junior de patinage de vitesse sur courte piste qui s'est déroulé à Ville-Saguenay. On va vous donner les classements des athlètes du Haut-du-Lac. D'abord, Catherine Mailloux de Saint-Félicien terminée 11e place au cumulatif. Léonie Bradette de Saint-Félicien 14e place. Maude Tremblay de Debout-Mississini 16e position. Flavie Larocheroy 20e place. Karina Montmélier 30e position. Et Marianne Gay de Saint-Félicien, 32e position. Le président des Capitales de Québec, Michel Laplante, voit d'un bon oeil l'arrivée d'une concession de l'Empire League Baseball. En entrevue sur les ondes de danseport.com, Michel Laplante mentionne évidemment qu'une concession de l'Empire League Baseball, ce serait un bon tremplin entre la Ligue de Baseball et l'Élite du Québec et la Ligue canadienne. C'est que ça peut faire un beau pont des fois entre les joueurs juniors et les joueurs professionnels. Okay. On espère toujours avoir le plus de joueurs québécois avec nous. Et le passage du junior majeur directement à la Ligue canadienne est presque impossible. En fait, il est possible, mais il est très, très, très difficile. Okay. Le parcours d'un joueur pour arriver normalement à la canadienne, c'est un joueur qui a joué 3-4 ans d'université américaine. Ensuite de ça, il a été repêché, il a joué 2-3 ans dans les professionnels. Ensuite de ça, il se joint à la Ligue canadienne. Donc, d'aller directement de la Ligue junior majeur à la canadienne, on l'a vu à quelques reprises. On a eu un Pat Baou qui l'a bien fait. L'an passé, il y a eu quelques joueurs aussi dans la Ligue, là, un ou deux par année, qui réussissent à faire là, le saut entre les deux, mais c'est plutôt difficile. Et l'Empire State, je dirais que c'est, l'Empire League, c'est un petit peu une ligue qui est entre les deux, dans le sens que c'est un beau c'est un beau tremplin là, entre les deux niveaux. Donc c'est sûr qu'il y aura un côté intéressant à ça. Maintenant, géographiquement. Sur les médias sociaux, il y a plusieurs qui se sont interrogés, évidemment, que sur l'avenir des voyageurs de Jonquière, s'il y aurait une concession de l'Empire League Baseball à Ville-Saguenay, Michel Laplante mentionne évidemment que s'il y a un partenariat bien fait, tout le monde va sortir gagnant. Ça, c'est ce qui s'est passé ici à Québec. Il faut juste que ce soit bien fait. Je peux comprendre qu'il y a des gens sceptiques parce que si c'est pas bien fait, effectivement, que tout peut être redirigé vers l'organisation des cours supérieurs, mais c'est pas l'objectif. Par exemple, à Québec, ce qu'on fait, autant avec les diamants, avec le baseball mineur en général, c'est un véhicule qui dans le fond, fait la promotion du baseball, mais après ça, il faut s'assurer que autant l'organisation, les joueurs, en tout cas, à tous les niveaux, vont se faire impliquer dans la communauté. Et là, dans ce temps-là, c'est bien fait. Avec les diamants, on fonctionne de la même façon, dans le sens que oui, il y a un partage au niveau du... Dans un dernier temps, Michel Laplante mentionne que ça prend un homme d'affaires qui veut redonner à la collectivité pour que ça fonctionne. Le prix de la concession n'est pas tellement élevé, on parle de 350 000 $. Ouais, écoute, comme je ne sais pas grand-chose, mais le fonctionnement de ce genre de ligue-là, ça prend tout d'abord un MSM. Okay. Ça prend quelqu'un qui veut redonner à la communauté. C'est pas des gros sous. Là, ça n'a rien à voir, par exemple, avec l'équipe de hockey junior majeur. C'est pas du tout dans dans ces sphères-là, dans ces montants-là. Je pense pas que la ville, c'est son mandat nécessairement aussi de s'approprier d'une équipe comme ça. Normalement, les villes vont réduire les coûts au niveau de la location du stade ou aider un peu à ce niveau-là parce que de se promener avec le logo de la ville un peu partout. Ouais. En Angleterre, tout ça, je pense que c'est une belle propriété pour une ville. Ben oui. Maintenant, les villes, souvent, ils tentent de réduire les dépenses de ces équipes-là sans s'impliquer directement financièrement. Je pense que c'est une bonne façon de faire. Et les villes, souvent, laissent les organisations faire le job aussi. Si l'organisation va bien, que tout le monde les encourage, qu'il y a une belle visibilité, ben, à ce moment-là, les villes s'adaptent puis aident un petit peu plus à chaque fois que l'équipe fait plus de visibilité avec ça. Donc, c'est mais tu sais, on parle pas de dépenses d'un million de dollars. Non, on parle de 350 000. À peu près. Exactement. Je vous invite donc à écouter la section entrevue de dansdesport.com. Hier, je me suis entendu avec le président des Capitales de Québec, Michel Laplante. Également, on a parlé avec Simon Tremblay, des Marquis de Jonquière, qui est natif de Boom-Sesny. Et vous pouvez également écouter l'entrevue que j'ai réalisée avec Jérémy Robert, qui est un kickboxer, donc qui possède beaucoup de parenté dans le secteur du Haut-du-Lac. Le sport local et régional à dansdesport.com. On s'en occupe.